ces temps incertains de coronavirus et de confinement, pour certains, certaines, beaucoup de nos échanges passent par le téléphone et par Internet. On reçoit de toutes parts plein de petits conseils et d'injonctions de toutes sortes. Comment se protéger du virus? Comment s'occuper sans sortir et sans devenir fou et folle? Comment? Oui, mais une autre question se pose. Comment protéger sa vie privée et nos libertés? Pour répondre à cette question essentielle, je vous propose tous les mardis, dans cette chronique régulière, d'aller à la rencontre de geeks en tout genre. Des passionnés de logiciels libres, de l'éducation populaire, de l'Internet comme outil d'émancipation plutôt que de contrôle. Pour qu'ils et elles nous partagent leurs petites recettes de Tati Geek. Aujourd'hui, on retrouve Sapito, geek féministe, qui, sur la lancée de la dernière émission, nous explique pourquoi changer de navigateur Internet et comment le configurer pour l'adapter à notre utilisation. Se mettre à l'aise, quoi. Bonjour Sapito, comment ça va? Coucou, ça va, et toi? Ça va, c'est chouette de te retrouver cette semaine encore pour la chronique d'auto-soin numérique des Tati Geek. Ouais. Comment ça va avec le confinement? T'arrives à pas trop passer de temps derrière les écrans? J'arrive à alterner, j'ai un peu mal dans le haut du dos, dans la nuque, donc j'essaie de me bouger, je vois des séances de yoga en ligne pour me bouger et faire un peu des exercices du haut du dos. Et puis là, aujourd'hui, il pleut pour la première fois depuis le début du confinement, là où je suis. J'ai ouvert la fenêtre pour sentir l'odeur de la pluie sur le sol et c'était très agréable, ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Alors la semaine dernière, là, tu nous as un peu introduit à cette notion d'auto-soin numérique. Et puis tu nous as expliqué comment on peut se passer de Google comme moteur de recherche. C'était chouette. Et cette semaine, est-ce que tu as un sujet dont tu aurais envie de nous parler, un conseil ouais, à nous donner? Profiter qu'on est enfermé pour naviguer, pour s'évader. Et je vais parler des navigateurs web. C'est les navigateurs web, c'est les logiciels, les applications qui permettent d'aller naviguer sur Internet. Et ben, les navigateurs web qu'on connaît le plus en général, c'est Chrome. Chrome, c'est le navigateur qui est développé par Google. Et il y en a un autre aussi qui est assez connu pour les gens qui ont des iPhones, des Mac. C'est Safari, le navigateur. Il y en a un autre qui est connu aussi, qui est Firefox. Firefox est développé par l'entreprise Mozilla. Donc, c'est de Firefox dont on va parler plus en détail aujourd'hui. Bon, il y a d'autres aussi navigateurs. En anglais, navigateur, ça se dit browser. Et donc, il y a un navigateur de Tor, par exemple, qui s'appelle Tor Browser. Il y a un navigateur de DuckDuckGo, qui s'appelle DuckDuckGo Browser. Tout ça, c'est des navigateurs. Il y a un autre aussi qui est développé en parallèle de Chrome, qui s'appelle Chromium, qui permet de faire un peu plus de paramétrage de sécurité que Chrome, en tout cas de sécurisation de la vie privée. Voilà, nous, on va parler de Firefox. Surtout que Tor Browser, on va en parler dans une prochaine émission. Cool. Firefox, c'est ce que voilà, c'est un navigateur qui est chouette. Alors, on peut avoir en tête que Mozilla qui développe ce navigateur, c'est une entreprise. Donc, avec ce que ça peut avoir de positif ou de négatif, une entreprise. Même si celle-là, elle revendique de concevoir des navigateurs, des applis, du code et des outils qui font passer les utilisateurs avant les profits. C'est l'approche de Mozilla qui veut aussi garder un Internet ouvert et accessible à tous et à toutes. C'est une position qu'a Mozilla et c'est pour ça que utiliser Firefox pour naviguer, bah, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Ça n'empêche pas de découvrir d'autres navigateurs, d'essayer, de critiquer, d'en trouver d'autres, d'échanger avec nos potes pour savoir ce que les autres utilisent. Voilà. D'accord, donc on a bien compris qu'est-ce que c'est qu'un navigateur et puis pourquoi tu conseilles de changer de navigateur pour utiliser Mozilla Firefox. Tu veux rajouter des choses ou on passe tout de suite à la phase pratique? Juste pour expliquer pourquoi je conseille plutôt Firefox, c'est que ça offre pas mal de possibilités d'ajustement, de paramétrage. On peut finalement faire pas mal de changements et personnaliser de manière assez intéressante son navigateur. C'est pour ça que j'ai plutôt proposé celui-là. Et justement, dans la partie pratique, on va voir tous les paramétrages et toutes les personnalisations qu'on peut faire. Enfin, une partie, pas toutes en vrai. Ok, alors on va passer comme d'habitude à la phase pratique de cette émission. Si vous avez envie d'essayer en direct de suivre le conseil de Sapito, vous pouvez, pendant qu'on fait une petite pause musicale, aller chercher votre ordinateur, le brancher, vous connecter. Tu nous as prévu une petite chanson, je pense, en plus. Oui, une chanson d'un vieux groupe de quand j'étais jeune qui s'appelle Le Tigre. Et la chanson s'appelle Get off de Internet. Ça veut dire pars d'Internet. Et dans les paroles, elle dit Get off de Internet et on se retrouve dans la rue. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas forcément toutes et tous se retrouver dans la rue, mais peut-être qu'on le fera bientôt. Et tout ce qu'on aura appris et échangé pendant ce temps de confinement, j'espère qu'on pourra aussi le mettre à profit en se retrouvant après au quotidien, dans la rue, pour les gens qui ont dû arrêter de travailler ou se mettre en télétravail, de pouvoir aussi dans nos lieux de travail retrouver les autres et partager tout ce qu'on a appris et peut-être la vision critique qu'on a pu développer. Chanson du groupe Le Tigre, Get Off the Internet. Et on revient avec notre geek féministe Sapito pour la partie pratique de l'émission. Aujourd'hui, donc, on va voir comment installer et configurer Mozilla Firefox. C'est ça. Bah déjà, on va télécharger Firefox. On va ouvrir son navigateur, soit Chrome, soit Safari, soit si on a déjà Firefox, on ouvre Firefox parce qu'on va décrire la marche à suivre qui permettra d'expliquer à d'autres si on a déjà Firefox. Quand on a son navigateur qui est ouvert, on va aller dans la barre d'adresse qui est ce grand rectangle en haut de la fenêtre dans laquelle on va taper l'adresse vers laquelle on veut aller. Et cette adresse, c'est www.mozilla, M-O-Z-I, 2LA.org/, alors slash c'est la barre oblique, fr, et là on fait entrer et on va arriver sur le site de Mozilla. Et nous on veut aller voir Firefox, donc sur le site de Mozilla, on a marqué Firefox, projet, développeur, à propos. Donc nous on va pointer, pointer ça veut dire qu'on pose la souris dessus sans cliquer. On pointe sur Firefox et là, il y a un menu qui se déroule et qui dit en haut au début, navigateur Firefox pour ordinateur. Et nous, on descend, on va à télécharger et là, on clique sur télécharger. C'est fait. Et on arrive sur une page qui nous dit normalement « Télécharger la dernière version de Firefox ». Ouais. Il y a un bouton qui dit « Télécharger ». On va cliquer sur ce bouton. Alors, si on l'a déjà, ça va nous dire qu'on l'a déjà. Si on ne l'a pas encore, en général, ça va ouvrir un fichier, des fois, qui nous dit « Est-ce que vous avez les droits d'administrateur pour votre appareil ?» En général, si c'est notre ordinateur personnel, oui, on a les droits d'administrateur. Peut-être qu'ils vont nous demander un mot de passe, qui est le mot de passe qu'on utilise en général, qu'on connaît. On recommande pour toutes les applications ou les logiciels qu'on télécharge d'aller les télécharger directement dans le site qui les a conçus, qui les développe. On va plutôt aller télécharger Firefox sur le site de Mozilla et pas aller le télécharger sur un autre site. Ça va éviter bah, soit qu'on ait un virus, soit qu'on ait pas forcément la dernière version ou, OK, bah en tout cas, si tout le monde a installé Firefox, ça peut prendre quelques instants. En général, pas plus de 1 ou 2 minutes. On va fermer le navigateur qu'on avait ouvert, si ce n'était pas Firefox, pour les personnes qui ont installé Firefox. Et là, on va aller chercher à ouvrir maintenant son navigateur Firefox. C'est possible que ça nous demande, en l'ouvrant une première fois, si on veut que ça soit notre navigateur par défaut, on peut mettre « oui ». Navigateur par défaut, ça voudra dire que chaque fois qu'on voudra aller faire une recherche sur Internet ou si par exemple on clique un lien dans un mail, et ben ça ouvrira le lien dans ce navigateur par défaut qui sera Firefox. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser son navigateur. La personnalisation, elle est différente pour chacune. Et on va voir à quel endroit on peut le faire. Comme chaque personne a une utilisation différente de son navigateur, et ben, on va probablement faire des paramétrages différents. Pour aller paramétrer son navigateur, on va aller dans un menu qui se trouve en haut à droite de la fenêtre. En haut à droite, il y a un endroit où il y a 3 barres horizontales, l'une par-dessus l'autre, des courtes barres horizontales. Et ça, c'est le menu qu'on va aller cliquer et qui va venir nous proposer donc d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Enfin, en tout cas, ça propose tout un tas de fonctionnalités. On reviendra sur chaque fonctionnalité au fur et à mesure, mais là, nous, on va aller sur les préférences. Sur les préférences. Alors, dans le menu, c'est l'endroit, il y a marqué « Préférences », et puis avant, il y a une petite icône qui représente, je ne sais pas quoi, une roue ou… Ouais, comme une molette. Et là, on va cliquer sur les préférences. Ça va nous ouvrir un nouvel onglet. Sur la colonne de gauche, il y a les menus. Donc, il y a un menu qui dit « Général » avec justement cette petite molette, cet engrenage. Il y a un menu qui dit « Accueil » avec une icône de maison à côté. Il y a « Recherche » avec une loupe. Il y a « Vie privée et sécurité » avec un cadenas. Et il y a « Sync » qui veut dire « Synchronisation » avec 2 flèches qui tournent. Donc, on va voir chacun de ces menus un par un. On ne va pas voir tout dans les détails. Chaque personne, en tout cas, sait qu'en allant dans les préférences, elle a accès à tout ça et elle peut aller observer, faire des changements, essayer des choses, en parler à des amis de « Ah oui, toi, tu as configuré ça comment? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que ça marche ?» On peut le faire, hein, ça ne va pas casser notre ordinateur et faire qu'on ne peut plus s'en servir. En fait, on a le droit de rentrer dans ces logiciels pour pouvoir les installer, les paramétrer, les personnaliser comme on a envie. On va commencer par général et puis on peut voir un peu tout ce que ça propose. J'invite tout le monde au fur et à mesure, ou peut-être après, de visiter hein, tout ce qu'on peut changer. Nous, on va s'arrêter sur langue et apparence, qui est un petit peu plus bas quand on fait défiler la page. On peut changer la police et les couleurs qui s'affichent. Donc, la police, c'est la manière dont sont écrits les textes. Par exemple, on peut mettre une police plus grande si on trouve que c'est un peu petit et qu'on a du mal à voir. Donc, on peut augmenter la taille de la police. Aussi, on peut changer les couleurs pour des personnes, je ne sais pas, qui seraient daltoniennes ou qui ont besoin d'avoir une certaine manière de que les couleurs s'affichent ou que le contraste s'affiche. On peut aussi changer ça pour avoir quelque chose avec laquelle on est à l'aise, qui nous fait pas mal aux yeux et qu'on arrive à bien voir. Ah, tu veux dire qu'en fait, si tu changes la taille de la police, là, après, quand tu vas naviguer, tous les articles seront écrits plus gros ou... On peut aussi les faire en plus gros ponctuellement avec le zoom, qui est juste en dessous de police et couleurs. On a zoom, on va zoomer, on va augmenter ou réduire la taille de la page sur laquelle on va naviguer. Là, ça sera ponctuel. Quand on va changer la taille de la police, ça sera pour toutes les pages. Et pour le Zoom, ça sera plutôt pour ponctuellement à telle page. Bah, finalement, la personne qui a conçu ce site a fait des écritures très petites. Donc, on va zoomer juste cette page, mais c'est juste pour ce site parce que les autres pages, j'ai pas de problème pour voir comment c'est écrit. Ensuite, quand on descend, on peut paramétrer la langue. Moi, la langue, elle est par défaut en français. Mais on peut changer. Si par exemple le français c'est pas notre langue maternelle, on peut mettre Firefox dans notre langue avec laquelle on a plus l'habitude d'être au quotidien. Et on peut même le paramétrer dans des langues qui sont moins majoritaires, qui sont minoritaires, comme par exemple L'occitan ou le breton. Le catalan, le basque. Ensuite, encore sur ce menu général, si on fait défiler un peu plus bas la page, on peut s'arrêter sur les téléchargements. Ça propose soit d'enregistrer les fichiers qu'on télécharge directement dans le dossier téléchargement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre toujours demander ou enregistrer les fichiers, parce que peut-être que les fichiers qu'on télécharge, ça va dépendre. Des fois, on va vouloir les mettre dans le fichier musique. Des fois, on va vouloir le mettre dans un fichier qui regroupe plutôt des textes. Parfois, on va le mettre dans un fichier qui regroupe les podcasts, les émissions de radio. Donc, peut-être de mettre plutôt toujours demander ou enregistrer les fichiers. Et là, ça va nous demander à quel endroit de l'ordinateur on veut l'enregistrer. OK. Et puis bah voilà, après faut pas hésiter à aller explorer la suite, de voir comment on veut le paramétrer. Là, nous on va passer à l'autre menu. Donc on voit la colonne de gauche et on était sur Général, on va passer à Accueil. Donc on clique sur Accueil. Là, on peut paramétrer quelle va être notre page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page qui s'ouvre automatiquement quand on démarre notre navigateur. Et c'est la page vers laquelle on revient systématiquement quand on clique sur la petite maison. On voit à côté de la barre d'adresse, immédiatement à gauche ou immédiatement à droite de la barre d'adresse, il y a un dessin d'une petite maison. Et quand on clique sur cette petite maison, ça va nous ramener systématiquement à la page d'accueil. Donc nous, on peut choisir quelle sera notre page d'accueil. Alors cette page d'accueil, ça peut être soit la page DuckDuckGo, qui est la page de départ de nos recherches. Ça peut être aussi, si on a un blog, bah, la page de notre blog. Ça peut être la page d'un quotidien de presse qu'on suit et que donc on a envie, quand on ouvre son navigateur, de tomber directement sur la page de ce journal qu'on suit. Ou de la radio, par exemple, la radio Saint-Ferréol. OK. Ensuite, on va aller dans les recherches. Donc, on clique sur la colonne de gauche dans recherche. Tout ça, on peut l'explorer comme on veut, mais on va pouvoir là configurer le moteur de recherche par défaut. Parfois, le moteur de recherche qui est configuré par défaut, c'est-à-dire celui qui s'ouvre automatiquement quand on ouvre notre navigateur, c'est Google. Et on l'avait vu la dernière fois, nous, on n'a pas forcément envie d'utiliser Google, ou en tout cas de ne pas être obligé d'avoir le choix. Et là, on peut changer le moteur de recherche par défaut et mettre par exemple DuckDuckGo ou Quant ou StartPage ou celui qu'on avait installé la dernière fois. Sur les moteurs de recherche, on peut cliquer après sur découvrir d'autres moteurs de recherche. Nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. On le verra une prochaine fois, mais en tout cas, si après l'émission, on a envie d'aller découvrir d'autres moteurs de recherche, on peut aller se balader, mais on reviendra dessus une autre fois. Ensuite, ben, on retourne dans notre colonne de gauche. Là, on fait la suite. On a fait général, accueil, recherche. Et là, on va passer à vie privée et sécurité. Ouais, j'y suis. On arrive sur une page qui propose des paramétrages pour protéger notre navigation du pistage. Alors, ça propose soit une protection standard, soit stricte, soit personnalisée. Peut-être quand on n'a pas encore trop l'habitude, on peut commencer par une protection standard. Et puis au fur et à mesure qu'on apprendra et puis qu'on se sentira plus à l'aise, qu'on comprendra c'est quoi le pistage, c'est quoi les cookies, et ben là, peut-être on pourra choisir de personnaliser. Si on choisit de faire une protection stricte, des fois ça fait que certains sites, c'est ce qui est précisé là, sont plus difficiles d'accès, fonctionnent pas correctement. Parce que comme il y a beaucoup de sites dont le mode de fonctionnement c'est le pistage, le recueil de nos données, et ben, si nous, on bloque ce pistage, ben, les sites ils vont dire « Ok, ben, nous, à ce moment-là, on ne veut pas fonctionner normalement. » Donc, la protection stricte, peut-être, si on n'est pas encore hyper à l'aise avec son navigateur, qu'on est encore en train de le prendre en main, on va plutôt se faire une protection standard. Ensuite, ça propose, quand on fait défiler la page, de gérer les cookies et les données de site. Les cookies, c'est comme des petits fichiers que les sites internet vont placer sur notre ordinateur pour observer, mesurer le nombre de fois qu'on se connecte au même site. C'est des petits fichiers qui recueillent des informations sur nous et sur nos habitudes de navigation. Et on n'a pas forcément envie de les garder dans son ordinateur parce que déjà, ça prend beaucoup de place. Donc là, on peut effacer les données. Il y a marqué le stockage des cookies, du cache et des données du site utilise actuellement tant d'espace disque. Donc si on fait effacer les données, ça va faire un peu de la place sur notre disque. Alors, je clique dessus, je risque pas de perdre des choses? Ça peut arriver soit qu'on perde un identifiant, par exemple, sur un site commercial. C'est surtout que ça va nettoyer notre disque de tous ces fichiers qui sont pas très lourds à la base, mais ça fait fichier après fichier qui vont à la fois prendre des informations sur nous, envoyer ces informations à des sites qui, des fois, vont les vendre à des annonceurs publicitaires. Et ben voilà, nous, on n'a pas forcément envie de ça. Et ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est de cocher la case qui est juste en dessous et qui dit « supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox ». Ça va faire qu'on va pas avoir besoin de le faire systématiquement parce que dès qu'on fermera notre Firefox, ça se nettoiera automatiquement. Ensuite, quand on fait défiler la page, ça parle des identifiants et des mots de passe. On va pas en parler aujourd'hui parce que je crois que tu avais envie de faire une émission spéciale sur les mots de passe. Tout à fait. Et sinon, là, on va voir à propos de l'historique. Alors, l'historique, en fait, c'est la liste des les adresses des sites qu'on a été visiter au cours de notre navigation. Donc, quand on navigue, tous les sites qu'on a été visités au cours de notre navigation, ils restent dans un historique. Alors, si on n'a jamais vidé l'historique, on a tous les sites qu'on a été visités depuis qu'on utilise notre navigateur. Ça peut être pas mal si on a envie de retrouver un site qu'on avait vu un soir, vers 11h du soir, et que c'était hyper intéressant, mais qu'on était fatigué, qu'on n'avait pas eu le temps de l'explorer. Mais en même temps, ben, de garder l'historique de notre navigation, ça fait que s'il y a d'autres personnes qui ont accès à l'ordinateur, les gens de notre famille, notre partenaire, nos colocs, peut-être il y a des choses qui sont des recherches, voilà, de choses sur lesquelles on a trippé, mais qui sont perso et qu'on n'a pas envie que d'autres membres qui habitent avec nous dans notre maison et accès à cette navigation qu'on a faite et ce site qu'on a été visiter. Donc, ce qu'on conseille, c'est de effacer notre historique de navigation. Alors, soit c'est par défaut, il y avait marqué conserver l'historique, soit ne jamais conserver l'historique, soit utiliser des paramètres personnalisés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le personnaliser. Si on efface l'historique, ça va en général effacer les identifiants. Par exemple, si on a notre boîte mail qu'on la consulte directement sur le navigateur, et qu'on a l'habitude que l'identifiant, eh ben, on tape juste la première lettre et il nous le propose, ben là, ça va faire que ça ne va plus le faire. Le navigateur ne se rappellera plus de notre identifiant. Ça propose aussi de toujours utiliser un mode de navigation privé. Ben, on peut choisir de faire ça. Ça fera que là, il n'y aura jamais d'historique qui sera enregistré. Il y a une autre manière de faire une navigation privée qui ne sera pas toujours la navigation, on va le voir juste après. En tout cas, on peut conserver l'historique de navigation et des téléchargements ou conserver l'historique des recherches et des formulaires ou encore vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. Moi, par exemple, c'est ça que j'ai paramétré. Mais là encore, ça va dépendre de l'utilisation que chacun et chacune fait de son navigateur. En tout cas, on a le choix. Ensuite, en faisant défiler la page, on arrive sur les permissions. Et là, c'est les permissions de localisation, les permissions de la caméra, les permissions du micro, les permissions de notification, de lecture automatique, de réalité virtuelle. Alors, ce que j'invite à faire, c'est, après avoir écouté, d'aller voir s'il y a des sites à qui on a autorisé d'enregistrer notre localisation ou des sites à qui on a autorisé d'allumer notre caméra. Là, à chaque fois, on va voir sur la droite, il y a marqué « paramètres », donc on va ouvrir. Et il dit, les sites web suivants ont demandé l'accès à votre localisation. Là, en tout cas, si on voit qu'il y a des sites qui ont accès à notre localisation, bah, peut-être on peut se dire, ah bah tiens, pourquoi ce site à qui je n'ai pas le souvenir d'avoir dit OK a accès à ma localisation? Et là, on peut le supprimer. Pareil pour la caméra. Tiens, pourquoi ce site démarre automatiquement ma caméra? Effectivement, j'ai visité ce site, mais je n'étais pas d'accord pour qu'à chaque fois que je me connecte à ce site, il démarre ma caméra ou mon micro. Donc là, ça va dépendre de chaque personne. Donc j'invite à chacun et chacune d'aller visiter cet endroit des permissions. Après, ça propose quelles données vont être collectées par Firefox lors de l'utilisation. Là encore, on peut voir quelles données on a envie de partager ou pas et quel usage va en être fait. Bon, après, c'est des choses, là encore, à explorer. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on peut comprendre. S'il y a des mots qu'on ne comprend pas, on n'hésite pas à aller voir la définition sur Wikipédia, parce que c'est assez fourni. Des fois, c'est des termes qui sont juste techniques. En fait, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut juste dire que bah, si on ne connaît pas le terme, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais la définition est simple et on peut la trouver en ligne. Par exemple, moi, je vois interroger le répondeur OCSP pour confirmer la validité de vos certificats. Et effectivement, ça me paraît, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, moi non plus, je comprends pas ce que ça veut dire. Et j'ai pas eu l'utilité de le savoir depuis que je l'utilise. Mais si à un moment, bah, j'en avais besoin, il suffit de sélectionner cette phrase, de la copier dans la barre de recherche. Et souvent, ça va nous amener directement à soit une définition, soit un site qui va nous donner des éléments de réponse. On peut voir peut-être plusieurs sites. Et pour finir, en tout cas, sur nos menus, on a le menu synchronisé, qui propose de synchroniser les marque-pages. Donc les marque-pages, c'est les favoris, on va en parler après. Historique, on vient d'en parler. Les onglets, les mots de passe. Donc là, tout le paramétrage qu'on a fait de préférence. Peut-être si on veut que ça soit à la fois sur notre ordinateur de maison, mais aussi qu'il y ait les mêmes paramétrages sur notre ordinateur de bureau et sur notre smartphone, par exemple, ben, on peut synchroniser entre nos différents appareils. L'avantage que ça a, c'est que si on perd un de nos appareils, ben on ne perd pas toutes les choses qu'on a gardées. Après, si, par exemple, notre smartphone qui est plus facile à voler, s'il y a nos mots de passe pour accéder à certains sites privés, à notre compte en banque, à notre mail, tombe dans des mains malveillantes, ben on n'a peut-être pas envie que toutes ces infos soient synchronisées. Donc là, c'est à chaque personne de voir par rapport à son quotidien, par rapport à des risques qu'il pourrait y avoir ou pas, si c'est plus intéressant de synchroniser ces appareils ou pas. Bon, bah, ça fait déjà pas mal de choses à aller regarder et puis explorer là. Pour finir, deux choses. J'ai parlé de la navigation privée. La navigation privée, c'est un mode de navigation qui n'enregistre jamais notre historique. Soit on a coché le paramètre être toujours en navigation privée, là, quand on était sur la page d'historique. Soit, bon, on a dit non, quand même, des fois, on veut garder quand même quelques traces de ce qu'on a visité. Mais là, par exemple, moi, là, je veux faire une navigation privée sur un truc en particulier, parce que c'est un sujet sensible. Ou, par exemple, j'ai pas envie que quelqu'un qui vit avec moi sache que j'ai fait des recherches là-dessus. Donc là, on repart sur une page habituelle. On réouvre un onglet, par exemple. Et on va aller dans cette barre de menu qui était en haut à droite, les trois bandes horizontales l'une par-dessus l'autre. Et on va aller voir nouvelle fenêtre de navigation. Il y a un masque, comme un loup, le masque qui cache le haut du visage. Et il y a marqué nouvelle fenêtre de navigation privée. Et là, on va cliquer. Et là, ça va nous ouvrir non pas un onglet. Les onglets, c'est ces petits intercalaires qui s'ouvrent les uns à côté des autres. Là, ça va nous ouvrir une autre fenêtre. Ça, c'est une manière de, quand on a envie, de pouvoir faire de la navigation privée. C'est possible de le faire aussi dans son smartphone, si on a par exemple Firefox comme navigateur dans son smartphone. Toujours dans le menu, donc on a vu qu'on pouvait ouvrir une fenêtre de navigation privée, mais dans ce menu, on voit si on descend un peu plus bas, identifiant les mots de passe, donc là encore, on a dit, on en parlerait une autre fois. Les modules complémentaires, on en parlera aussi une autre fois. Et on peut personnaliser, qui est juste en dessous de préférence. Et dans la personnalisation, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter une barre personnelle. Peut-être elle est déjà installée par défaut, mais si elle n'est pas installée, en fait, on va aller en haut, en fait, sur la barre où on voit la barre d'adresse, l'icône d'accueil, là, la petite maison. On va faire un clic droit et ça va proposer épingler au menu de dépassement, retirer la barre d'outils, barre de menu, barre personnelle. Et nous, là, on peut cliquer sur barre personnelle si elle n'est pas cliquée et ça va nous faire apparaître une barre personnelle. Et dans cette barre personnelle, on pourra mettre les favoris, les marque-pages. S'il y a un site qu'on a bien aimé et que peut-être on n'a pas eu le temps d'explorer vraiment, mais qu'on a envie de retrouver facilement. Par exemple, là, on est sur le site de Firefox. Nous, on veut garder cette adresse parce qu'on veut pouvoir l'envoyer à des amis. Et on ne va pas le faire tout de suite. Donc là, on va garder cette adresse. On va cliquer sur l'étoile qui est à droite dans la barre d'adresse. Pour l'instant, elle est incolore et si je clique dessus, elle devient bleue. Ouais. Et si je reclique une deuxième fois dessus, Elle me propose aussi de changer le nom de mon marque-page et de le ranger où je veux. On peut aller le ranger dans barre personnelle. Et là, en fait, il va aller s'afficher dans cette barre où on a ajouté nos favoris, nos marque-pages. L'intérêt d'avoir des favoris enregistrés, c'est pour les sites qu'on va visiter souvent, pour éviter d'à chaque fois passer par un moteur de recherche qui va traiter des données et qui va faire du trafic Internet inutile. En fait, si on va tout le temps sur ce site, par exemple sur le site de la radio Saint-Ferréol, sur le site d'une association qu'on aime bien, bah, on n'a pas besoin d'aller à chaque fois dans son moteur de recherche pour retaper le nom de l'association, retaper le nom de la radio, pour re-aller sur le site qu'on connaît. Ou par exemple, bah, on peut enregistrer dans ses favoris aussi, dans ses marque-pages, l'adresse de notre boîte mail, parce que la boîte mail, on va y aller presque tous les jours. Il y a encore plein de manières de personnaliser son navigateur, mais on le verra une prochaine fois. Bon, bah écoute, super. Du coup, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller? Une petite lecture, une petite musique, quelque chose à aller regarder? Ouais, quelque chose que j'ai très envie d'aller découvrir, c'est la parution du nouveau numéro d'une revue qui s'appelle Passerelle, donc c'est le numéro 21. Et le nouveau numéro s'appelle Low-Tech. Donc Low-Tech, en fait, c'est l'inverse de High-Tech. C'est comme les High-Tech, c'est les technologies rapides, puissantes, efficaces. Et les Low-Tech, ça serait plutôt des technologies qui sont efficaces aussi, mais peut-être qui sont pas dans la même réalité, qui sont moins dans la performance et dans la puissance, et peut-être plus sur la durée. Et en tout cas, donc la présentation, c'est low-tech face au tout numérique, se réapproprier les technologies. Donc cette revue vient de sortir. C'est complètement d'actualité pour nous. En tout cas, bah, on peut trouver la revue téléchargeable en ligne sur le site que je vais dire, qui s'appelle crides.ritimo.info. Donc crides, c'est crides.ritimo, ritimo.info, et qui propose à la une l'apparition du passerelle numéro 21. Et quand on clique, on peut arriver sur un endroit où on peut télécharger gratuitement ce numéro en PDF. Ok, bah je vais le lire d'ici la semaine prochaine. C'est très long, il y a beaucoup d'articles, donc on peut sauter d'un article à l'autre un peu dans l'ordre qu'on veut, et on n'aura peut-être pas tout lu la semaine prochaine, à part si on s'ennuie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, et j'espère que tout le monde va naviguer en toute sérénité. Merci Sapito. C'est la fin de cette rubrique, j'espère que vous avez réussi à suivre. Et puis sinon, vous pouvez tranquillement la réécouter en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain à 12h30. Thank you.